J'avoue que mon parcours est dur, mais qu'il me reste beaucoup à faire. J'avoue que les illusions sont pures et que je m'en vais refaire. J'avoue que j'ai fait des erreurs, mais j'avoue que j'ai du mérite. Il a fallu m'ouvrir les yeux avec une pince et une clé d'huître. Je continue mon combat, mais j'avoue qu'il est rude. J'avoue que je suis pas conforme, les gars comme moi ça court pas les rues. J'avoue que j'ai pleuré à l'écriture de j'ai peur. J'avoue que j'ai démarré sans savoir les épreuves. J'avoue souvent mes erreurs, mais jamais mes exploits. J'avoue que je suis rêveur, mais c'est mes idées que j'exploite. J'avoue que je suis pas comme les autres. J'avoue que les centaines de rencontres m'ont forgé une mentalité plus forte. J'avoue que j'ai plus le même œil sur la vie d'aujourd'hui. On peut pas dire que c'était mieux avant, c'était juste pas si aussi. Mais j'avoue que j'ai trop de pensées négatives sur moi-même. J'avoue que mon passé me suit, mais j'ai des difficultés de relève. J'avoue que je fais de la poésie non appréciée à sa juste valeur. J'avoue que certains MC n'ont pas le feeling du rappeur. J'avoue que j'écris minimum 2 textes par semaine. J'avoue qu'au corps de la réussite, je suis sous la semelle. J'avoue que j'ai plus envie de me battre. J'avoue que tant que ce sera pas fini, je serai en batte. J'avoue que je casse mon malheur derrière un sourire. J'avoue que des sorties font mon bonheur jusqu'au premier soupir. J'avoue que j'écris pour le plaisir. J'avoue que percer mes rêves, mais que j'exploite dans mes chansons mes délires. J'avoue qu'au niveau social, je fais des efforts. J'avoue que pour quelque chose de bien m'arrive de mon pote, je dois être une copie conforme. J'avoue que rien me réconforte, que la nostalgie cache mes pleurs. J'avoue que si j'ai des cernes, c'est car je dors que 4 heures. J'avoue que la nuit est un enfer, mais bon, je m'y dirige. J'avoue que je suis trop bon, mais bon, on ne change pas un débile prodige. J'avoue que je rédige, mais on ne me comparera pas à Hugo. J'avoue que j'ai 14 piges, mais j'ai du vécu amigo. J'avoue que je parle trop, donc je le mets en texte. J'avoue que je suis pas pro, on pourrait dire que c'est qu'un test. J'avoue que je pourrais citer des noms pendant des heures. J'avoue que Léa, Manon, Lucie et d'autres m'ont aidé en tant que récepteur. J'avoue que ça fait longtemps que mes bras sont toujours en l'air. J'avoue qu'il est impossible de se relever de ce que j'ai subi et de ce que j'ai su faire. J'avoue que je raconte ma life, donc je vais arrêter. Si tu veux, je la fais en live. J'avoue que je tire un trait. J'avoue que je suis faible et que j'assume pas le fait d'être rappeur. J'avoue beaucoup de faits et j'écris mes peines et mes frayeurs. Donc j'avoue. Donc j'avoue. J'avoue que les problèmes arrivent par centaines. J'avoue que je suis au fond du trou depuis longtemps. J'avoue que les bras en l'air, y a peu de gens qui me soutiennent. J'avoue que je suis manipulé en heure et en temps. Mais si la victoire n'est pas loin, dis-lui de faire un arrêt au stand. Histoire de prendre mon courage à deux mains, je suis très loin de me détendre. J'avoue que mes rêves n'ont pas de limite. J'avoue que je veux que personne ne m'imite. J'avoue. Donc j'avoue. Donc j'avoue. J'avoue.